moi affamé. Y'avait les chemises derrière, on courait plus vite que les Roy Sané. Et dans la mer, tu vois les vrais visages, ceux qui deviennent bizarres. Tu fais le voyou avec Intel, ils vont revenir à 10 ans. Et c'est le drame quand les darons pleurent, car leur fils y part. Ma haine est belle, j'aime pas les balances, car c'est fils de part. Quand tu mates, j'ai les idées claires, c'est le premier pétard. Dans son poteau, il a pris 20 ans, mais je le citerai pas. 3 millions pour une vie paisible, et tu me verras plus, je redeviens moi. Oubliez mon blase, ça n'y jouera plus. On signe des contrats, pas besoin de vos contacts. 13 et Marlusine, la somme en lundi en contrat. C'est vrai, j'ai brillé trop tôt, à 13 ans sur la moto, à 16 sous la cagoule, dans ma tête c'est Kaboul. Au quartier sous les capuches, à 12 on se fait une nuit blanche. Sur la bûche, j'fais un cactus, j'ai 3 plans pour les vidanges. J'ai un démon, on veut la vidange. Encore rapta du samedi, il ouvre le four le dimanche. La patte du gain est immense. Tu te rappelleras qu'on est des vrais, qu'on n'a jamais donné l'autre. Et quand on brandit les armes, c'est pour protéger les nôtres. Et au quartier, souvent ça pète, y'a tout le monde qui veut jobber, mais y'a pas de poste. Alors pour bébé, ça frappe tes têtes. Maîtrise tes actes et tes paroles, le poids des mots t'écrase le dos. Abîmé par le temps, je reste plus même, je parle le gros. Du lundi au lundi sur le terrain, comme au bureau. Comme à Toulouse, comme à Lyon, comme au Muro. Fini quand je serai fini, les yeux rouges sous les zénith. Pour le cerveau à Bino, avec les grosses couilles à Tony. Mauvais élèves au fond de la classe. Pour pas longtemps, je vais prendre tes louvets et ta place. Dans pas longtemps, je vais te prouver de quoi je suis capable. Et pour longtemps, j'ai mon fils, ton merci papa. Ils vont m'entendre. Mauvais élèves au fond de la classe. Prends tes louvets et ta place.